Chapitre 12e, Seul pour toujours. Au mois de mars suivant, par une de ces journées où le ciel est gris et où les arbres encore échevelés se courbent sous les rafales, un voyageur arrivait à Grenoble et s'adressant à un commissionnaire, il lui demandait, en mauvais français et avec l'accent anglais le plus prononcé, l'indication d'un hôtel le meilleur de l'endroit. « Voyons un peu, » fit le commissionnaire. « Il y a deux bons hôtels tout près l'un de l'autre. » D'abord, il y a l'hôtel des Trois Dauphins, puis il y a l'hôtel des Ambassadeurs. « Ce dernier fera mon affaire, » répliqua l'anglais. Il s'y fit conduire. Une fois installé, il s'enquit du chemin qu'il allait prendre pour aller à la place Grenelle. On offrit de l'accompagner jusque-là, mais il préféra s'y rendre tout seul. Il ne tarda pas à découvrir la demeure qu'il cherchait, et sonnant la porte, il demanda à parler à Lady Isabelle. Lady Isabelle était assise au même endroit, où nous l'avons trouvé au mois de décembre devant cette même cheminée et s'efforçant de réchauffer ses membres engourdis. On eût pu croire que c'était le lendemain de cette nuit où nous l'avons vue si triste et si abattue. Rien n'était changé dans la chambre, tout était à la même place et dans le même ordre, et à côté du lit de la mère se voyait encore le petit berceau où dormait l'enfant. Lorsque Suzanne, pénétrant dans cette chambre, vint annoncer la visite d'un monsieur anglais, Lady Isabelle tressaillait de surprise. « Comment ? Un monsieur anglais, dites-vous ? Rien de plus certain, » fit Suzanne, « car je n'ai pas pu le comprendre. Il est en bas au salon. Faut-il le faire monter ?» Qui était-ce ? Qui pouvait encore penser à elle ? « Suzanne, » demanda-t-elle en hésitant et sous l'impression d'une pensée qui venait de traverser son cerveau, « ce n'est pas Sir France, ce n'est pas monsieur. Il ne lui ressemble nullement, » répliqua Suzanne. « C'est un homme d'une belle taille, il a l'air noble et fier, on dirait un prince. » Son pauvre cœur battit avec force et ses joues s'empourprèrent. Grand, noble et fier, ces trois épithètes ne s'appliquaient-elles point à Carlyle ? Telle fut la pensée étrange qui lui vint subitement et qui mit le feu en son âme. Elle se leva, fit en chancelant quelques pas dans sa chambre et se prépara à descendre. « Y songez-vous, ma lady ? » s'écria Suzanne. « Ne vous aventurez pas plus loin, je vous en prie. » « Voyons, remettez-vous à votre place habituelle, et je vais moi-même prier ce monsieur de monter. »« Qu'est-ce que cela fait que vous le receviez ici ?»« Ce n'est pas un petit maître, ses cheveux sont déjà gris, il doit avoir plus de 50 ans. » Ces paroles refroidirent brusquement l'enthousiasme de Lady Isabelle. Son cœur cessa de battre et un sourire, pénible à voir, effleura ses lèvres. Comment avait-elle pu croire, même un instant, que c'était Carlyle que venait lui rendre visite à elle ? Ne sachant plus que penser, elle s'imagina que c'était peut-être un homme envoyé par Francis Levison, un homme d'affaires chargé de lui remettre de l'argent. Cette idée la révolta. « Allez, » dit-elle à Suzanne, « allez demander à ce monsieur son nom et tâchez de savoir d'où il vient. » Suzanne disparut pour s'acquitter de ce message, et bientôt elle revint, suivie du visiteur. L'avait-elle invité à monter, ou avait-il cru pouvoir prendre sur lui de se présenter ainsi devant Lady Isabelle ? Nous l'ignorons. Mais le fait est qu'il était là, derrière la nourrice. Isabelle, dès qu'elle lui aperçut, devint rouge de honte et cacha sa tête dans ses deux mains. Le nouveau venu n'était autre que Lord Mountsavant. « Et comment êtes-vous parvenu à découvrir ma retraite ?» balbutia Isabelle, après que quelques paroles douloureuses eurent été échangées de part et d'autre. « Je me suis adressé à Sir Francis Levison. J'ai appris que tout était fini entre vous et lui, et j'ai cru qu'il était alors de mon devoir d'intervenir. » et de lui demander compte de sa conduite. « Nous nous sommes séparés depuis le mois de juillet, » ajouta-t-elle, en levant vers lui sa figure pâle et flétrie. « Il est revenu en décembre, et au bout d'une heure, nous nous sommes quittés pour toujours. »« Avez-vous eu de ses nouvelles depuis lors ?»« Non. Le monde extérieur n'existe plus pour moi. Je n'en reçois ni lettres ni journaux. D'ailleurs, il n'aurait pas le courage de m'écrire. »« Eh bien, » continua Lord Mountsavant, « je vais vous donner de ses nouvelles. » et j'espère que ces nouvelles ne vous attristeront pas. Si vous venez m'apprendre qu'il compte revenir ici, cela m'attristera. Non, je viens vous annoncer son mariage. Que Dieu protège sa malheureuse femme, murmura Isabelle. Il a épousé Alice Challoner. Alice ? Dit-elle en le regardant avec surprise. J'avais cru qu'il préférait Blanche. Oui, il a trompé Blanche. Il lui a fait la cour, il a gagné son cœur, puis il l'a délaissée et a demandé la main de sa sœur. « C'est là tout ce que je sais. Je n'aime pas à me mêler de ces affaires. Un soir, étant à mon cercle, On m'a annoncé que le mariage devait avoir lieu le lendemain, à l'église Saint-Georges. Le lendemain, j'étais là, avant l'arrivée du couple. « Non pour mettre obstacle à cette union ?» demanda Lady Isabelle, en proie à la plus vive anxiété. « Je n'en avais ni l'intention ni le pouvoir. Je ne me suis rendu là que pour l'inviter à m'apprendre où vous demeuriez et ce que vous étiez devenu. Il s'est borné à me donner votre adresse et à me dire qu'il ne vous avait pas revu depuis le mois de décembre. » Un long et pénible silence suivit ces paroles. Le comte, d'un air préoccupé et triste, promenait ses regards tout autour de la chambre, l'examinant dans ses moindres détails. Lady Isabelle, les coudes sur les genoux et le visage caché dans ses mains, semblait rêver. « Pourquoi venez-vous à moi ? » soupira-t-elle enfin. « J'ai déshonoré mon nom et le vôtre. » « Et celui de votre mari, et celui de vos enfants ?» ajouta le comte d'un ton sévère. « Toutefois, continua-t-il, il est de mon devoir de veiller sur vous et de vous empêcher de tomber plus bas encore, si cela est possible. » Il lui parlait durement et sans adoucissement, mais c'est à peine s'il saisissait le sens de ses paroles. Elle fixait sur lui ses yeux ébahis. « Et qu'allez-vous faire maintenant ? » reprit-il. « Comment comptez-vous vivre ? Il me reste encore quelque argent. De l'argent. À lui, sans doute ? » interrompit vivement le comte. « Non, répondit-elle en relevant fièrement la tête. « Non, l'argent dont je parle provient de la vente de mes bijoux. »« De quels bijoux parlez-vous ? » s'enquit Lord Mount Severn. « Monsieur Carlyle m'a assuré que vous n'aviez rien emporté avec vous. »« Je n'ai en effet rien emporté de ce qu'il m'avait donné. »« Ces bijoux m'appartenaient avant mon mariage. » »« Vous avez vu, Monsieur Carlyle ? » fit-elle en hésitant. « Si je l'ai vu, » s'écria le comte, « vous me demandez si je l'ai vu. » Après un pareil événement, après une pareille tâche infligée à son nom et au nôtre, pouvais-je faire autrement que d'aller lui offrir le témoignage de ma douleur, de ma sympathie profonde ? Mais ce ne fut pas là la seule raison qui m'entraîna à lui rendre visite. Je voulais connaître aussi les motifs de votre conduite, savoir ce qui avait pu vous induire à vous précipiter ainsi tête baissée dans l'abîme de perdition. Mais je n'ai rien appris, car là il ne pouvait me donner aucune explication. La nouvelle de votre fuite l'avait foudroyé. Isabelle, pourquoi avez-vous porté un aussi terrible coup à ce cœur généreux qui vous était tout dévoué ? Isabelle courbait la tête sans pouvoir répondre, et de grosses larmes lourdes et brûlantes descendaient lentement le long de ses joues décharnées. « Isabelle, reprit le comte avec un peu plus de douceur, je vois que vous vous repentez. Les pleurs que vous versez me disent l'affreux désespoir auquel vous êtes en proie. Voyons, parlez, dites-moi comment cela est arrivé. Dites-moi comment vous avez pu consentir à tomber aussi bas. « Oh, cet homme, murmura-t-elle. Est un vil séducteur, une âme misérable et basse. Oui. Et si vous vous en souvenez, j'avais eu soin de vous mettre en garde contre lui. Je vous avais engagé à ne jamais le recevoir chez vous. S'il est venu à Eastline, c'est contre mon gré. Oui, je le sais. J'ai appris que Carlyle, se fiant à sa femme, la croyant une épouse honnête, vertueuse et dévouée, n'avait pas hésité à offrir à cet homme un abri sous son toit. Ah, Isabelle, continua-t-il en s'animant par degrés. Vous aviez là un mari qui vous adorait. » En entendant ces paroles qui résonnaient lugubrement à ses oreilles, Isabelle frissonna en elle-même et elle se tordit convulsivement les mains. « J'ai lu le billet que vous avez laissé derrière vous, » continua le comte. « Votre mari me l'a montré. Il n'a voulu, je crois, le communiquer qu'à moi seul. Pour lui, aussi bien que pour moi, cette lettre était une véritable énigme. » Aussitôt après votre départ, on supposa que c'était l'humeur acariâtre de Mademoiselle Carlyle qui vous avait rendue folle et vous avait entraîné à vous enfuir aussi brusquement. Mais ce n'était pas là un motif plausible. Vous aviez votre mari à qui vous auriez dû confier vos peines et vos ennuis. Dans tous les cas, on ne se couvre pas d'infamie, on ne flétrit pas le nom d'une famille honnête pour de telles bagatelles. Vous aviez donc une autre raison pour agir de la sorte. Quelle est-elle ? De grâce ! Implora la malheureuse femme. « Laissons-la le passé. »« Non, il faut que je sache la vérité, toute la vérité. Je suis venu ici dans ce but, et je ne m'en irai que lorsque vous m'aurez entièrement satisfait. Si je ne suis pas venu plus tôt, c'est par la raison que je ne me souciais nullement de me trouver ici face à face avec ce Levison. Votre père n'est plus. Je suis votre plus proche parent. À moi donc, revient à présent le devoir de vous secourir, de veiller sur vous. » Des larmes ruisselaient maintenant avec abondance des yeux d'Isabelle, et elle se couvrit le visage de son mouchoir. Le comte s'arrêta un moment, et domptant enfin l'émotion qui le gagna à son tour, il reprit. Nous aurions pu conclure qu'une folle passion pour ce misérable Levison vous avait entraîné à sa suite. Mais votre lettre ne nous autorisait pas à adopter cette idée. Qu'entendez-vous par ces lignes où vous accusiez votre mari d'être la cause de votre fuite ? Demandez-le lui, il le sait, soupira-t-elle. Non, il ne le sait pas. Je ne connais pas d'homme qui soit plus franc, plus honnête et plus droit que Carlyle. Et lorsqu'il m'a juré sur son honneur outragé qu'il ne pouvait saisir ni comprendre le sens de ces paroles tracées par votre plume, je l'ai cru, et je le croirai toujours. Eh bien, fit-elle d'une voix basse et entrecoupée par de lourds sanglots, j'ai cru qu'il ne m'aimait plus, et qu'il me trahissait en aimant une autre. Le comte fixa sur elle ses yeux scrutateurs. Oui, Carlyle et moi nous avons en effet pensé, tout d'abord, que cette lettre avait été rédigée sous l'influence d'un sentiment de jalousie. J'en étais pour ma part tellement convaincu que je n'hésitais pas à adresser quelques questions à Carlyle, à le prier de m'avouer franchement, honnêtement, s'il vous avait donné quelque cause de soupçonner sa fidélité. Eh bien, Isabelle, écoutez-moi. Carlyle m'a ouvert son cœur comme si Dieu lui-même était là pour l'entendre. Il m'a juré qu'il vous était resté fidèle par le cœur aussi bien que par la pensée, que jamais, depuis l'heure où il vous avait donné sa foi, son amour, il n'avait aimé, que dis-je, songé même, à une autre femme. À cette révélation faite d'un ton ferme et convaincu, la malheureuse Isabelle pensa devenir folle de douleur et de remords. Elle refoula un flot de larmes qui lui montaient aux yeux, et ses mains crispées tombèrent le long de son corps avec les plis de son châle. « Vous comprenez, continua le comte, qu'après un tel aveu de la part d'un tel homme, j'ai dû traiter votre lettre comme elle le méritait, et n'y voir dorénavant qu'un tissu de mensonges et de faussetés, qu'un subterfuge hypocrite et grossier, auquel vous n'aviez pas craint d'avoir recours pour donner un semblant d'excuse à votre basse conduite. Telle fut alors mon opinion. Je n'hésitais point à le dire à Carlyle. Je lui demandais comment il avait pu être assez aveugle pour ne pas s'apercevoir de l'intelligence secrète qui régnait entre vous et cet impudent animal qui avait su mettre à profit son séjour à Eastline pour y jeter le déshonneur et la honte. Hélas, il avait en vous la plus entière confiance. Jamais il n'avait songé même un instant que vous le trompiez ou que vous pourriez le faire. Lady Isabelle se tordait les doigts. Elle se mordait les lèvres. On eût dit qu'elle s'imposait des souffrances physiques pour amortir les douleurs morales qui la torturaient. Carlyle, reprit le comte, m'apprit qu'il était fort occupé pendant que ce Levison était chez lui. Outre ses occupations habituelles, il avait été appelé à rendre de fréquentes visites à une famille des environs, concernant une affaire mystérieuse et qui réclamait la plus grande discrétion. Il m'apprit également que le soir même de votre fuite, il avait dû relativement à cette affaire rester à son étude et y recevoir en cachette la visite de deux messieurs. « Vous a-t-il dit le nom de la famille ?» demanda Isabelle en tremblant. « Oui, voyons, c'était Hare, peut-être. Hare, c'est cela même. Carlyle, le soir de votre départ, devait dîner avec vous chez une personne qui demeurait aux environs. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il en fut empêché par une affaire de la plus haute gravité. « Oh oui !» interrompit Isabelle, tandis qu'un sourire plein d'amertume et d'incrédulité effleura ses lèvres. « Oh oui !» répéta-t-elle, « c'était en effet une affaire bien grave. Malheureusement pour lui, je l'ai surpris ce soir-là se promenant seul avec Barbara, avec Mademoiselle Hare, dans le jardin du juge et par un beau clair de lune. « Ah !» s'écria Lord Mountsevern avec un accent de profond mépris. « Ah ! Je vois ce que ça vous étiez jalouse. Eh bien donc, veuillez m'entendre, ajouta-t-il en s'animant par degrés et en fixant sur elle des yeux irrités. Tandis que vous soupçonniez aussi injustement votre mari, Carlyle et Mademoiselle Hare ne songeaient guère à se parler d'amour. Ils se promenaient en cet endroit où vous les avez aperçus dans un but généreux et noble. Ce n'était point l'amour qui faisait battre le cœur de Carlyle, c'était la crainte, l'anxiété la plus terrible. Car dans cette maison devant laquelle il marchait, ainsi lentement et silencieusement, un pauvre garçon, un malheureux fils, venait d'entrer pour embrasser sa mère qu'il n'avait pas revue depuis 7 ans. Ce fils, faut-il vous le dire, n'était autre que Richard Hare, condamné à mourir sur la potence si jamais la justice parvient à l'arrêter. Me comprenez-vous maintenant ? Carlyle et cette jeune fille n'étaient là que pour faire le guet, que pour empêcher que cette triste entrevue ne vînt être troublée par l'arrivée du juge de M. Hare. Carlyle m'a lui-même révélé ceci lorsqu'il cherchait à m'expliquer les motifs qui l'avaient empêché de vous accompagner au dîner. Lady Isabelle était comme écrasée sous le poids de cette révélation. Son cœur se gonflait à rompre sa poitrine. « Mais, » balbutia-t-elle d'une voix profondément émue, « il était toujours avec Barbara Hare. » Et cela n'était-il point naturel? Madame Hare pourrait-elle s'absenter de la maison sans courir le risque d'éveiller les soupçons de son mari et de causer la perte, la mort de son enfant? Ah, je vous croyais plus de bon sens, Isabelle. Mais en admettant que votre jalousie fût fondée, était-ce une raison pour vous entraîner à quitter la maison conjugale? Non, mille fois non. Vous avez cédé aux suggestions de l'esprit impur, aux séductions de cet infernal Levison. Je suis perdu, à tout jamais perdu, sanglota Isabelle. Carla, elle vous aimait tant. Oh, peu de femmes ont eu le bonheur de rencontrer un tel homme pour mari. C'était une nature exceptionnelle, une âme d'élite, le vrai type d'un gentleman. Plus je le vois, plus je l'admire, et plus je le respecte. De grâce, grâce, implora la malheureuse femme. J'agis comme une folle, comme une insensée, mais Dieu m'a rudement châtiée. Où comptez-vous vivre désormais? Demanda le comte. Je l'ignore. Je quitterai cet endroit dès que cela me sera possible. Combien avez-vous de domestiques? Deux, mais dès que j'irai mieux, et dès que l'enfant pourra marcher. J'en enverrai un. Comment? Quel enfant? S'écria le comte avec étonnement et douleur. Vous avez donc eu un enfant, Isabelle? Elle rougit et se voila la figure de ses mains. Le comte, en proie à la plus vive surexcitation, allait d'un bout à l'autre de la chambre. Le misérable! S'écria-t-il en s'arrêtant subitement. Le divorce avait-il été proclamé avant la naissance de cet enfant? Continua-t-il. Oui. Oh, le satané coquin! Lady Isabelle, les mains étendues, l'œil en feu, la poitrine oppressée, se précipita d'un bond devant du comte. Pitié, pitié! Cria-t-elle dans son désespoir. Ne voyez-vous donc pas que vous me tuez, que vous me faites mourir? Le comte comprit qu'il s'était laissé emporter outre mesure. Il reprit son calme et son sang-froid. Voyons, asseyez-vous, Isabelle, fit-il avec douceur, et en l'aidant à retourner auprès de la cheminée. Maintenant, dites-moi combien vous faudrait-il pour vivre tranquillement et en dehors du monde? Je ne demande rien, répliqua-t-elle. Je n'accepterai rien de personne. Je veux gagner ma vie. Ce que vous dites là est tout bonnement absurde, interrompit le comte avec colère. Il ne s'agit plus de faire du roman, mais d'envisager froidement et sérieusement l'avenir. Je suis venu ici dans le but de subvenir à vos besoins. Ne m'interrompez pas. Votre père n'est plus. C'est moi qui le remplace. Je voudrais vivre par mon propre travail, en donnant des leçons, ajouta-t-elle d'une voix entrecoupée par d'amers sanglots. En donnant des leçons, répéta Lord Mountsover. Et combien pouvez-vous gagner à cette besogne? Peu, mais assez pour l'enfant et pour moi. Je pourrais enseigner le chant et la musique, et réaliser ainsi 2000 francs par an. Vous n'irez pas loin avec une pareille somme. Je m'engage cependant à vous la donner. Non pas par an, mais par trimestre. Non, je ne puis accepter cette offre, je ne mérite rien, je n'ai aucun droit à votre sympathie. Vous aurez toujours droit à la mienne, Isabelle. Ainsi donc, calmez-vous et reprenez courage. Ne me remerciez point, je ne fais qu'accomplir un devoir. À mon retour chez moi, je donnerai l'ordre à mon banquier de mettre chaque année 8000 francs à votre disposition. Ceci ne comptera point, ajouta-t-il en plaçant quelques billets de banque sur la table. Non, s'écria-t-elle, le cœur ému de tant de bonté. Non. Je suis indigne de votre générosité. Reprenez cet argent. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il me faut. Qu'entendez-vous par là? Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez vendu vos bijoux? Allons, ne faites plus l'enfant. Serrez ces billets et n'en parlons plus. Isabelle, ajouta-t-il en se levant pour s'en aller, vous pouvez m'écrire de temps en temps. Que dit-on? Que pense-t-on de moi? Demanda-t-elle à voix basse. Lord Mountsevern, qui ne s'attendait nullement à une pareille question, demeura quelques instants silencieux, ne sachant que répondre. Que voulez-vous qu'on dise ou qu'on pense? Répliqua-t-il enfin. Sinon, ce que vous auriez pu dire ou penser vous-même, jadis d'une autre femme qui se serait rendue coupable de la même faute. Elle courba la tête, et de sa poitrine s'échappa un cri plaintif et sourd. Le comte s'approcha d'elle, prit sa main dans la sienne, la serra affectueusement, et s'en alla vivement à la hâte. C'était un homme bizarre. Une de ces natures à l'extérieur froid et réservé, mais qui néanmoins sentent, comprennent et souffrent. Du jour où il eut connaissance de la fuite d'Isabelle avec Francis Levison, il devina que sa femme était, en grande partie du moins, la cause du malheur survenu dans sa famille. Et c'est pourquoi il jugea qu'il était de son devoir de veiller maintenant sur la pauvre abandonnée. Le comte de Mountsevern retourna à l'hôtel des ambassadeurs. Il y dîna, il y passa la nuit. Le lendemain, de bonne heure, il reprit la route de l'Angleterre et bientôt il se retrouva au milieu des distractions et des plaisirs du grand monde. Et Lady Isabelle, elle ne bougea pas de la chambre où nous venons de la voir. Elle y resta seule et triste, seule, seule, seule à tout jamais.